En passant sur mon titre, après tout, dans un bout de temps, vous verriez bien ce qu'il veut dire. Néanmoins, par gentillesse, quotidienne, il est fait pour retenir l'introduire par un commentaire portant sur lui, ou pire, peut-être tout de même certains d'entre vous l'ont compris. Ou pire, en somme, de ce que je peux toujours faire. Suffit que je le montre pour entrer dans le vif du sujet. Je le montre en somme à chaque instant. Pour ne pas rester dans ce sens, qui comme tout sens, vous touchez du doigt, je pense, est une opacité. Et donc le commenter textuellement. Ou pire, il est arrivé que certains lisent mal. Donc, cru que c'était le pire. C'est pas du tout pareil. Pire, c'est tangible, c'est ce qu'on appelle un adverbe, comme bien ou mieux. On dit je fais bien, on dit je fais pire. C'est un adverbe, mais disjoint. Disjoint quelque chose qui est appelé à quelque place. Justement, le verbe. Le verbe est ici remplacé comme par les trois points. Ces trois points se réfèrent à l'usage ordinaire pour marquer ces curieux, mais ça se voit, dans tous les textes imprimés. Pour faire une place vide. Ça souligne l'importance de cette place vide. Et ça démontre aussi bien que c'est la seule façon quelque chose avec l'aide du langage. Et cette remarque, je le dis, c'est la seule façon d'attraper quelque chose avec le langage. C'est justement ce qui nous permet de pénétrer dans sa nature au langage. Aussi bien, vous le savez, dès que la logique est arrivée à s'affronter à quelque chose, qui supporte une référence de vérité, quand elle a produit la notion de variable. C'est une variable apparente. La variable apparente X est toujours constituée par ceci. C'est que l'X dont il s'agit marque une place vide. La condition que ça marche, c'est qu'on y mette exactement le même signifiant à toutes les places réservées vides. C'est la seule façon dont le langage arrive à quelque chose. Et c'est pourquoi je me suis exprimé dans cette formule qu'il n'y a pas de métalangage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il semblerait que ce disant, je ne formule qu'un paradoxe. Car d'où est-ce que je le dirais? Puisque je le dis dans le langage, ce serait déjà suffisamment affirmé qu'il y en a un d'où je peux le dire. Il n'en est évidemment rien pourtant. Le métalangage, bien sûr, il est nécessaire qu'on l'élabore comme une fiction chaque fois qu'il s'agit de logique, c'est à savoir qu'on forme à l'intérieur du discours ce qu'on appelle langage-objet, voyant quoi c'est le langage qui devient méta, j'entends le discours commun dans lequel il n'y a pas moyen même d'établir cette division. Il n'y a pas de métalangage ni que cette division soit tenable. La formule forclos dans le langage qu'il y ait discordant. Qu'est-ce qui occupe donc cette place vide dans le titre que j'ai produit pour vous obtenir? J'ai dit forcément un verbe, puisqu'un adverbe il y a. Seulement, c'est un verbe aisé par les trois. Et ça, dans le langage, à partir du moment où on l'interroge, en logique, c'est la seule chose qu'on ne puisse pas faire. Le verbe, en l'occasion, il n'est pas difficile à trouver. Je vais de faire basculer la lettre qui commence le mot pire. Ça fait seulement, comme en logique, le verbe, c'est précisément le seul terme dont vous ne puissiez pas faire la fiche. Donc, vous ne puissiez pas faire place vide, parce que quand une proposition, vous essayez d'en faire fonction, c'est le verbe qui fait fonction. Et c'est de ce qui l'entoure que vous pouvez faire argument. La vie des verbes, donc, j'en fais argument pour dire quelques substances. Ce n'est pas dire, c'est être. Se dire celui que je reprends de mon séminaire de l'année dernière s'exprime comme se dire dans une proposition complète. Il n'y a pas de rapport sexuel. C'est ce que mon titre avance. C'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est qu'à sortir de là, vous n'énoncerez, vous ne direz que pire. Il n'y appare à perfection, se propose donc comme vérité. Mais j'ai déjà dit vérité qu'elle ne peut que se midi. Donc ce que je dis, c'est qu'il s'agit, comme toute l'autre moitié, d'une pire. S'il n'y avait pas pire, qu'est-ce que ça simplifierait les choses? C'est le cas de... La question est-ce que ça ne les simplifie pas déjà? Puisque si ce dont je suis parti, c'est ce que je peux faire, et que ce soit justement ce que je ne fasse pas, et que ça ne suffit pas, allez simplifier. Comment voilà. Il ne peut pas se faire que je ne puisse pas le faire, ce pire. Exactement comme tout le monde. Quand je dis qu'il n'y a pas de rapport sexuel, j'avance. Très précisément, cette vérité chez l'être parlant, le sexe n'y définit nul rapport. Ce n'est pas que je nie la différence qu'il y a dès le plus jeune âge entre ce qu'on appelle la petite fille et la petite garce. Mais de là que je pars. Ça sera peut-être plus pour ça que vous ne savez pas quand je là, de quoi je parle. Je ne parle pas de la fameuse petite différence qui est celle pour laquelle à l'un des deux il paraîtra quand il a sexuellement mûr. Il paraîtra tout à fait de l'ordre du bon mot, du mot d'esprit, de pousser hurrah, hurrah pour la petite histoire. Rien que ça soit drôle, suffirait d'indiquer des notes, faire référence. Au rapport complexe. C'est-à-dire au fait tout inscrit dans l'expérience et qui est ce à quoi nous amenait l'expérience. lequel n'aurait pas de mot d'esprit. Le rapport complexuel avec cet organe. La différence, déjà, détachée très tôt, comme organe, j'ai déjà tout dit, organe, instrument. Est-ce qu'un animal a une idée ? Il a des organes. Depuis quand a-t-on vu ça ? Et pourquoi faire ? Ira-t-il dénoncer ? Tout animal, d'une façon d'en prendre ce que j'ai énoncé récemment, à propos de la supposition de la jouissance du sexuel comme instrumental de l'animal, j'ai raconté ça ailleurs, mais si je le dirais autrement, tout animal qui a des pins ne se masturbe pas. C'est toujours son petit effet. Voyez-nous quoi vous échappe, c'est que cette phrase est historique. Ce n'est pas du tout à cause de ce qu'elle asserte. Il n'y a rien de plus. Elle asserte. Mais de la question qu'elle a introduite au niveau de la logique, ça y est caché. Hein? Mais c'est la seule chose que vous n'y ayez pas vu. C'est qu'elle contient le patou. Et très précisément, et très curieusement, ce qui est lu. La logique aristotélicienne. Pour autant, qu'elle a produit et détaché la fonction des prosbiorismes qui ne sont rien d'autre que ce que vous savez. À savoir l'usage de tout par de quelques fils. Autour de quoi Aristote fait les premiers pas de la logique formelle. Le pas en lourd de conséquences, c'est eux qui ont permis d'élaborer ce qu'on appelle la fonction des quantificateurs. C'est avec le tout que s'établit la place vide dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un comme Frege ne mange pas. Quand il commence la fonction laquelle une plaque a un rapport à une fonction, vraie ou fausse, vis-à-vis une vie pour X est existence d'argument X. Pour X est existence d'argument qui est placé dans ce petit creux image de la planète vide, qu'il y ait quelque chose qui s'appelle tout X qui convienne à la fonction. L'introduction du pas tout est aussi essentiel. Le partout n'est pas cet universel négatif. Le partout, ça n'est pas nul. N'est pas nommément ni l'animal ni quelque part. C'est non pas tout animal qui a des pinces, mais par là nécessité à ce qui suit. Il y a organes et organes, comme il y a fagot et fagot. Celui qui porte les coups et celui qui les reçoit. Et ceci nous porte au cœur de notre problème, car vous voyez qu'à simplement en ébaucher le premier pas, nous subissons un sens. Sans avoir même eu le temps pour tourner, au centre de quelque chose, il y a bien une machine qui le porte. C'est la machine que je démontre. Mais j'en fais la remarque à l'usage de certains. Ce n'est pas pour démontrer que c'est une machine. Encore bien moins. Pour qu'un discours soit pris pour une machine, comme le font certains justement à vouloir s'embrayer sur le mien du discours. En quoi ce qu'il démontre c'est qu'il n'embraye pas sur ce qui fait un discours, à savoir le réel qui y parle. Démontrer la machine n'est pas du tout la même chose que ce que nous venons de faire, c'est-à-dire d'aller sans plus de façon au trou du système. C'est-à-dire à l'endroit où le réel passe par vous. Et comment qu'il passe? Est-ce qu'il vous aplatit? Naturellement, moi j'aimerais beaucoup mieux. J'aimerais sauver votre canaillerie naturelle. Eh bien, ce qu'il y a de plus sympathique. Mais qui, hélas, hélas, toujours recommençant, comme dit l'autre, en vient à se réduire à la bêtise. l'effet même de ce discours qui est celui que je démontre. En quoi vous devez sentir sur l'instant qu'il y a au moins deux façons de le démontrer, ce discours. Restant ouverte que la mienne, de façon, ce soit encore une troisième. Il ne faut pas me forcer à insister, bien sûr, sur cette énergie vive de la canaillerie et de la bêtise, auquel je ne fais jamais allusion plus lointaine. Du point de vue de l'énergétique, bien sûr, ça ne tient pas. Elle est purement métaphorique. Mais elle est cette veine de métaphore, dont l'être parlant subsiste. Je veux dire, qu'elle fait pour lui le pain et le levain. Je vous ai donc demandé grâce sur le point de l'insistance. C'est dans l'espoir que la théorie supplé, vous entendez l'accent du subjonctif. Et isolé parce que tout ça aurait pu être recouvert par l'accent interrogatif. Pensez à tout ça, comme ça, au moment où ça passe. Et spécialement pour ne pas manquer ce qui vient là, de savoir le rapport de l'inconscient à la théorie. La bonne théorie, et c'est celle qui ferait la voie même, où l'inconscient on était réduit à insister. Il n'aurait plus à le faire si la voie était bien prévue. Mais je ne veux pas dire que tout serait résolu pour ça. Bien au contraire. La théorie, elle-même être légère au point de ne pas avoir l'air d'y toucher. Elle devrait avoir naturel que jusqu'à ce jour, donc les erreurs. Pas toutes! Une fois de plus, bien sûr. Mais ça rend-il plus sûr qu'il y en ait certaines à soutenir ce naturel dont tant d'autres font semblant? Voilà, j'avance. Que pour celle-ci et les autres puissent faire semblant, il faut que de ces erreurs, à soutenir le naturel, j'en ai. Oh, moi, un Dieu. On a commencé déjà à écrire l'année dernière avec une terminaison différente. Très précisément à propos de l'hystérique. Et de l'homme moins seul qu'elle exige. Cet homme moins une, le rôle, c'est évident, ne saurait en être mieux soutenu. Que par le naturel lui-même. C'est en quoi je niais au départ c'est en quoi je ne niais pas au départ la différence qu'il y a, parfaitement notable et dès le premier âge, entre une petite fille et un petit garçon, et que cette différence s'impose native, est bien en effet naturelle, c'est-à-dire répond à ceci. De ce qu'il y a de réel dans le fait que dans l'espèce qui se dénomme elle-même comme ça, fille de ses œuvres, en ça comme dans beaucoup d'autres choses, qui se dénomme Homo sapiens, les sexes paraissent se répartir en deux nombres à peu près égaux, la multitude, et casse les dons. Ces individus se distinguent. Ils se distinguent, c'est certain. Seulement, je le fais remarquer en passant, ça ne fait pas partie d'une logique. Seulement, ils se reconnaissent. Reconnaissent quand même parlant. Car jeter cette distinction par toutes sortes d'identifications dont c'est la monnaie courante de la psychanalyse que de s'apercevoir que c'est le ressort majeur des phases de chaque enfant. Mais ça, c'est une simple parenthèse. L'important, logiquement, est ceci. C'est que ce que je n'y ai pas, c'est justement là le glissement, c'est qu'il se distingue. C'est un glissement. Ce que je n'y ai pas, c'est justement pas cela. Que je n'y ai pas, c'est qu'on les distingue. Ce n'est pas eux qui se distinguent. C'est comme ça qu'on dit, oh, le vrai petit bonhomme, comme on voit déjà qu'il est tout à fait différent de petite fille, il est inquiet et enquêteur, hein, déjà en mal de gloriole. Alors que la petite fille, c'est loin de lui ressembler. Elle pense déjà qu'à jouer cette sorte d'éventail qui consiste à se fourrer sa figure dans un trou et à refuser de dire bonjour. Comment voilà. On s'émerveille de ça. Parce que c'est comme ça, c'est-à-dire exactement comme ça sera plus tard. soit conforme au type d'homme et de femme tel qu'ils vont se constituer de toute autre chose. À savoir de la conséquence du prisme qu'aura pris dans la suite la petite différence. N'est-il d'ajouter que la petite différence aura était déjà là pour les parents depuis une peine qui a déjà pu avoir des effets sur la façon dont a été traité petit bonhomme et petite femme. C'est pas sûr, c'est pas toujours comme ça. Mais il n'y a pas besoin de ça pour que le jugement de reconnaissance des adultes circonvoisins repose donc sur une erreur. Sans doute de ce dont ils distinguent, mais à les reconnaître en fonction des critères formés sous la dépendance du langage. Si tant est comme je l'avance, c'est bien de ce que l'être soit parlant ou bien complexe de castration. Je rajoute ça pour insister. Hein. Vous comprenez bien ce que je vais vous dire. Donc, c'est en ça que l'au moins une erreur en consistant le naturel, d'ailleurs incontestable, de cette vocation prématurée qui veut dire que chacun est faux pour son sexe. Je veux d'ailleurs ajouter, bien sûr, que dans le cas où cette vocation n'est pas patente, ça n'ébranle pas l'erreur, puisque elle peut se compléter avec aisance de s'attribuer à la nature comme telle, ceci, bien sûr, non moins naturellement. Quand on ne colle pas, on dit c'est un garçon manqué, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, je manque toute facilité pour être considéré comme réussi, dans la mesure où rien n'empêche qu'on lui impute à ce manque un supplément de féminité. Manque même, c'est un raffinement, tout à fait d'ailleurs pleinement conforme à ce que nous enseigne la conscience, de ne réussir jamais mieux qu'à rater. Dans ces conditions, pour accéder à l'autre sexe, il faut réellement payer le prix, justement celui de la petite différence qui passe trompeusement au réel par l'intermédiaire de l'organe, justement parce qu'il cesse d'être pris pour tel. Et du même coup révèle ce que veut dire d'être organe. Un organe n'est instrument que par le truchement de ceci que tout instrument se fonde, et c'est insignifiant. Eh bien, c'est en tant que signifiant que le transsexualiste n'en veut plus. Pas encore là. Pourquoi il partit d'une erreur qui est l'erreur justement commune? Sa passion au transsexualiste est la folie de vouloir se libérer de cette erreur. L'erreur commune qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance, et que le phallus n'en est que le signifiant. Le transsexualiste ne veut plus être signifié phallus dans le discours sexuel. Je l'ai content qu'elle soit si libre. Et là, ça reste réel, à vouloir le forcer par la chirurgie. Voilà, c'est la même chose que ce que j'ai énoncé dans un certain programme pour un congrès sur la sexualité féminine. Seul, disais-je, pour s'habiller, bien sûr. Seul, disais-je, l'homosexuel à écrire là au Félix soutient le discours sexuel en toute sécurité. C'est pourquoi j'invoquais le témoignage des pressions. Vous le savez, la femme a acheté pour moi un modèle. Plus précieuse qui, je puis dire, définissent admirablement l'excès au mot. Enfin, permettez-moi d'arrêter là le mot. L'excès au mot de l'amour. Parce que elle ne risque pas de prendre le phallus pour un signifiant. Signifie donc. Mais qu'à briser le silence. Mais qu'à briser le signifiant dans sa lettre, qu'on en vient à bout au dernier terme. Il est fâché pourtant que cela en fût. Le discours psychanalytique. Car ce discours est en fait l'hermète est très cher. Dans un aveuglement total sur ce qu'il en est de la jouissance féminine. Contrairement à ce qu'on peut lire dans le célèbre drame d'Apollinaire, celui qui introduit le mot surréaliste, Thérèse revient à Tirésias. Je viens de parler d'aveuglement, n'oubliez pas, non en lâchant, mais en récupérant. Les deux oiseaux dits sacrés. Je cite Apollinaire, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, soit les petits et gros ballons sur le théâtre les représentent, et qui sont peut-être, je dis peut-être, parce que ne pas détourner l'attention. Je me contente d'un peut-être, ils sont peut-être de grâce à quoi la femme ne sait jouir que dans une absence. L'homosexuel n'est pas du tout absent dans ce qui lui reste. De jouissance. Je le répète. Cela lui rend aisé le discours de l'amour, mais il est clair que ça l'exclut du discours psychanalytique. Il ne faut guère que balbutier. Alors, essayons d'avancer. Vu l'heure, je pourrais qu'indiquer rapidement que pour ce qu'il en est de tout ce qui pose comme ce rapport sexuel, l'instituant par une sorte de fiction qui s'appelle le mariage, la règle serait bonne que le psychanalyste se dise sur ce point. Il se débrouille comme il faut. C'est ça qui suit. Il ne le dit pas, ni même ne se le dit pas. Une sorte de fausse honte, car il croit en pouvoir de pallier à tous les drames. C'est un héritage de pure superstition. Il fait le médecin. Jamais le médecin. Bien sûr, il y a une bonne mémoire conjugale. Mais comme le psychanalyste va le faire bien sûr, il n'y a pas de rapport sexuel. Naturellement, le rôle de providence et ménage le rend. Tout ça, n'est-ce pas, la fausse honte, la superstition et l'incapacité de formuler une règle précise sur ce point, celle qu'il vient d'énoncer. Il se débrouille, relève de la méconnaissance de ceci, que son expérience lui répète, mais cerise. Il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut dire que l'étymologie de seriner conduit tout droit à direct. C'est textuel. C'est dans le dictionnaire étymologique, c'est pas moi qui dis, un chant analogue. C'est sans doute pour ça que le psychanalyste, comme il fait telle conjecture, reste attaché à un mât. Oui. Naturellement, pour que ça dure, il entend comme le chant des sirènes, c'est-à-dire en restant enchanté, c'est-à-dire en l'entendant tout de travers, eh bien, le mât, le fameux mât auquel il ne doit pas reconnaître le calice, c'est-à-dire le signifié majeur, global, eh bien, il reste attaché, ça arrange tout le monde. Ça n'arrange quand même tout le monde quand je dis que ça n'a aucune conséquence à eux, puisque c'est fait pour ça, pour l'avenir psychanalytique lui-même, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont dans le même bateau. N'en reste pas moins. Il entend de travers ce serinage de l'extérieur. Et c'est pour ça, jusqu'à maintenant, ça reste un domaine privé. Un domaine privé, j'entends, pour ceux qui sont sur le même bateau. où il y a aussi des êtres des deux sexes. Et pourtant, Marta, ce qu'il arrive que j'en entende par la bouche de gens qui parfois viennent de visiter de ces bateaux, moi qui suis, mon Dieu, sur un autre, je ne sais pas, je m'aimerais, je serais pourtant assez exemplaire si la façon dont j'en ai vent n'était pas si particulière. À étudier ce qu'il ressent, des connaissances, de ce qui fait le discours psychanalytique, à savoir les conséquences que ça a sur ce que j'appellerais le style de ce qui se rapporte à la liaison, puisqu'en fait l'absence de rapport sexuel est très manifestement ce qui n'empêche pas bien loin de la liaison, mais ce qui lui donne ses conditions. Ceci permettrait d'entrevoir ce qui pourrait résulter du fait que le discours psychanalytique reste logé sur ces bateaux où actuellement et dont quelque chose laisse craindre qu'il reste le privilège. Ce pourrait être quelque chose de ce style bien à dominer. Le registre des liaisons, dans ce qu'on appelle à proprement le vaste champ du monde, et la vérité, ce n'est pas rassurant. Ce serait sûrement encore plus fâcheux que l'état présent, qui est tel que c'est à cette méconnaissance que vient pointer, que c'est d'elle que ressortit ce qui, après tout, n'a pas à justifier de se voir ce qu'on voit souvent à l'entrée de la psychanalyse. Les craintes manifestées, ma foi, par les sujets, qui ne savent pas que c'est en somme d'en croire le silence psychanalytique institutionnalisé sur le point de ce qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Qui évoque sujet des sujets. Ces craintes de savoir Dieu, de tout ce qui peut rester affecter les relations intéressantes, les actes passionnants, voire les perturbations créatrices que nécessite cette absence de rapport. Je voudrais donc, avant de vous quitter, amorcer ici quelque chose. Puisqu'il s'agit d'une exploration de ce que j'ai appelé une nouvelle logique. Celle qui est inconstruite de ce pas, de ceci imposé en premier, qu'en aucun cas, rien de ce pas, du fait de l'instance du langage, ne peut déboucher la formulation d'aucune façon satisfaisante du rapport. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à prendre de ce qui dans l'exploration logique, c'est-à-dire dans le questionnement de ce qui, au langage, non pas seulement impose limite dans son appréhension du réel, mais démontre dans la structure même de l'approcher, c'est-à-dire de repérer dans son propre manier ce qu'il peut y avoir de réel à avoir déterminé le langage. Propre à être induit que si c'est au point d'une certaine taille du réel à proprement parler indicible, puisque ça serait elle qui déterminerait tout discours. J, les lignes de ce champ qui sont celles que nous découvrons dans l'expérience psychanalytique, est-ce que tout ce que la logique a dessiné apporter le langage à ce qui est posé de réel ne nous permettrait pas de repérer dans certaines lignes à inventer. C'est là un effort théorique. Qui trouverait une insistance qu'il n'est pas possible ici trouver orientation. Je ne ferai, avant de vous quitter aujourd'hui, que pointer qu'il y a trois ressources, comme on parlait déjà, émerger de l'élaboration de trois registres autour desquels tournera cette année son effort, de développer ce qu'il en est, les conséquences de ce qui est posé comme premier, il n'y a pas de rapport sexuel. Premièrement, ce que vous avez vu déjà dans le discours, les proches d'Orient. Mais aujourd'hui, au cours de la première fois, rencontrer que l'énoncé du pape. Celui-là, déjà l'année dernière, j'ai dit, vous l'isolez. Très précisément auprès de la fonction elle-même, que je l'ai ici, totalement dégénératif, de la fonction non pas du rapport sexuel, mais de la fonction proprement. En relation impossible. Celle-là a défini, en somme, à définir cette année, imaginez-la jouissante. Pourquoi ne serait-il pas possible d'écrire fonction de la jouissance? C'est à l'épreuve que nous en verrons la soutenabilité, si je puis dire, ou non. La fonction du patus, déjà l'année dernière, je n'ai pu avancer, et certainement d'un point beaucoup plus proche, en fait, quand il s'agissait, je ne fais aujourd'hui qu'aborder notre thérapie, qui je l'ai l'année dernière avancé d'une part négative, mise au-dessus du terme, qui, dans la théorie des cantons, désigne l'équivalent. Seulement l'équivalent. Il y a même plus la purification au regard de l'usage naïf, fait dans Aristote, du proche d'Orixime tout. Important, j'ai aujourd'hui avancé devant vous la fonction du pape. Chacun sait qu'à propos de ce qu'il en est de la proposition dite dans une histoire particulière, ce qui en surgit, si je puis dire naïvement, c'est qu'il existe quelque chose qui répondrait. Quand vous employez quelque, en effet, ça semble aller de soi. Ça semble aller de soi. Et ça ne va pas, toi. parce qu'il est tout à fait clair que il ne suffit pas de nier le patou pour que chacun des deux morceaux, si je puis m'exprimer ainsi, l'existence soit affirmée. Bien sûr, si l'existence est affirmée, le patou se produit. C'est autour de cet inexiste que doit porter notre avancée. Depuis si longtemps, là-dessus, les ambiguïtés se perpétuent. On est arrivé à confondre l'essence et l'existence. Et d'une façon encore plus étonnante, à croire que c'est plus d'exister que d'être. C'est peut-être justement qu'il existe, assurément, et pour te dire qu'il ne faut rien de plus que d'exister, quel est tout le problème. Parce qu'après tout, dans l'usage, correct, qui est à faire à partir du moment où la logique permet de décoller un peu du réel, seule façon à prédire quel est, par rapport à lui, le pouvoir s'enterrer. C'est à partir du moment où elle ne s'assure que de cette part du réel où il y est possible une vérité, c'est-à-dire une mathématique. C'est à partir de ce moment qu'on devient clair. Il existe quelconque. Ce n'est rien d'autre, par exemple, qu'un nombre à satisfaire une équation. Je ne tranche pas de savoir. Le nombre est à considérer ou non comme du réel. On parle aussi de l'ambiguïté. Dire que je tranche, que le nombre fait partie de même. Mais ce serait réel privilégié, à propos de quoi, le maniement de la vérité fait progresser la logique. Quoi qu'il en soit, le mode d'existence d'un nombre n'est pas à proprement parler, assurer ce qu'il en est de l'existence, chaque fois que le premierisme quelque est avancé. Il y a un deuxième plan sur lequel ce que je ne fais ici qu'épingler comme repère du champ dans lequel j'avançais, une logique qui me serait propice, c'est celui de la modalité. La modalité, comme chacun sait aussi, à vrai Aristote, c'est ce qu'il en est du possible. Je me crée ici qu'on indiquait aussi l'entrée de frontispice. Aristote joue les quatre catégories de l'impossible. Il oppose au possible, du nécessaire, il oppose au contagieux. Nous verrons, il n'y a rien de tenable dans ces oppositions. Et aujourd'hui, je vous pointe simplement ce qu'il en est. Une formulation nécessaire qui est proprement ceci, ne pas pouvoir ne pas. Ne pas pouvoir ne pas, c'est là proprement qui pour nous définit la nécessité. Ça va où? De l'impossible, ne pas pouvoir. À pouvoir ne pas. Est-ce le possible ou le contagion? Ce qu'il y a de certain, c'est que si vous voulez faire la route contraire, ce que vous trouvez, c'est pouvoir ne pas pouvoir. C'est-à-dire sa conjointe. La probable caduque de ceci qui peut arriver, à savoir non pas c'est impossible, auquel on retournerait la boucle, mais tout simplement l'impuissance. Simplement pour indiquer en frontispice le deuxième champ des questions à l'ouvrir. Le troisième terme, c'est la négation. Vous savez, il ne me semble pas bien que ce que j'ai ici écrit de ce qu'il complète. Dans les formules l'année dernière, j'ai déjà jeté au tableau. C'est à savoir qu'il y a deux formes tout à fait différentes de négation possible, présentées déjà par les grammairiens. C'est à la vérité, comme si c'était dans une grammaire qui prétendait aller des mots à la pensée, c'est tout dire, hein, l'embarquement dans la sémantique, c'est le naufrage en survie. La distinction pourtant faite de la forclusion et de la discordance est à rappeler à l'entrée de ce que feront cette foule. Encore faut-il, je précise, et ce sera l'objet des entretiens qui suivront, de donner à chacun des chapitres. Le développement qui convient. La forclusion ne saurait d'amour à être bichon, être lié en soi-même au vent, au point, au mythe, ou à quelques-uns des autres de ces accessoires qui paraissent de supporter l'enfant. Néanmoins, il est remarqué que ce qui va contre, c'est notre précisément pas tous. Notre pas tous, c'est la discordance. Mais qu'est-ce que c'est que la forclusion? Naturellement, elle est à placer dans un registre différent de celui de la discordance. Elle est à placer au point où nous avons écrit le terme dit la fonction. Ici, se formule l'importance du dit. Il n'est de forclusion que du dit. Que de quelque chose qui existe. L'existence étant déjà promu à ce qui assurément, parce qu'assurément il nous faut lui donner de statut, que quelque chose puisse être dit. Non, non, c'est de cela qu'il s'agit dans la conclusion. Et de ce quelque chose n'en puisse plus être dit, assurément, il ne saurait être conclu qu'une question sur le rêve. Pour l'instant, la fonction fidèle, telle que je l'ai écrite, ne veut dire que ceci. Que pour tout ce qui en est de l'être parlant, le rapport sexuel fait question, c'est bien là toute notre expérience. Je veux dire le minimum que nous puissions en tirer. Car cette question, pour toute question, il n'y aurait pas de question s'il n'y avait de réponse. Que les modes sous lesquels cette question se pose, c'est-à-dire les réponses, soient précisément d'écrire dans cette fonction, c'est là qui va nous permettre, sans aucun doute, de faire jonction entre ce qui s'est élaboré de la logique et ce qui peut, sur le principe, considérer comme effet du rêve, sur le principe qu'il n'est pas possible d'écrire le rapport sur ce principe même de fonder ce qu'il en est de la fonction du rêve, de ce qu'il en est en expérience, en ceci. Qu'à faire question du rapport sexuel. Allocation. De quoi est supposé viser la jouissance sexuelle. Comme serait d'aucune façon engagé dans la parole sur les chemins. Sans qu'elle s'articule en castration. Il est curieux que ça n'est la mère. Ah bon, je ne vais pas dire un essai, parce que bientôt, je ne cherche pas, ou je n'essaie pas, je pense. Avant de trancher, que le point clé, que le point neuf, la lampe, et dans le champ de la lampe de l'opération de la parole, il n'y a pas une interprétation analytique. Pour donner à quelques propositions on rencontre sa relation à une jouissance, à quoi, qu'est-ce que veut dire la psychanalyse? De cette relation à la c'est la parole qui assume la dimension vérité. Un corps, ce qui n'est pas moins assuré, qu'elle ne peut d'aucune façon la vie. Je veux, comme je m'exprime, que la nuit se relâche et en forger du sang-là. Très précisément ce qu'on appelle, sans pouvoir en dire grand-chose, justement, n'en fait quelque chose. On ne peut pas faire rien. Il semble qu'il y a un homme ou une femme. Et il y a quelques gens, ils arrivent. Dans la boîte, j'essaie de tracer à articuler ce qu'il en est. De quatre discours. Pas des discours historiques. Pas de la mythologie. Nostalgie de Rousseau, voire du néolithique. C'est des choses qui m'intéressent, c'est le discours universitaire. N'est jamais si bien ce discours qu'au niveau des savoirs qui ne veulent plus rien dire pour personne. Puisque le discours universitaire se constitue de faire du savoir ensemble. Il s'agit de discours qui constitue, là, d'une façon tangible, quelque chose de réel. Le rapport de frontière entre le symbolique et le réel, nous y vivons, c'est le cas de le dire. L'histoire du maître, ça tient toujours. Et encore. Le toucher, je pense, que j'apprends du doigt, donc j'ai pas besoin de vous indiquer ce que j'aurais pu faire si ça m'avait amusé. C'est-à-dire qu'il cherchait la popularité. Montrer le tout petit tournant, quelque part, pour faire la question du calendrier. C'est exactement le même. Simplement, c'est mieux foutu. Ça fonctionne mieux. C'est plus. De toute façon, vous y songez même. De même que pour le discours universitaire, il y a une plaintude en croyant faire les mois. Nous ne parlons pas du discours hystérique, c'est le discours scientifique vilain. C'est très important à connaître pour avoir des chiffres honnêtes. Ça ne diminue en rien le mérite du discours. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je n'ai vu ces trois discours les articuler en une sorte de maquette. C'est parce que le discours analytique est surgi. Quand ça, le discours analytique, je ne suis pas en train de parler, de quelque chose que moi, je connaisse. Alors, longtemps qu'on aurait pu s'apercevoir que le discours de la connaissance est une métaphore. Lui donner sa conséquence, à savoir qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas non plus de connaissance. On a vécu pendant des siècles avec une mythologie sexuelle, et bien entendu, une grande part des analyses. Le temps qu'à mieux que de se délecter à ses chers souvenirs. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce qui est dit. Écrite à la première ligne de quelque chose qui est en train de cogiter pour vous laisser ça en quelque temps. Ce qui est dit est le fait, du fait de dire. Maintenant, il y a la chose. L'achoppement, tout est là, tout ensemble. Ce que j'appelle la chose, il y a un âge devant pour que vous voyez qu'il y a une impression. Justement, il ne devrait pas en mettre, ça devrait s'appeler la hache. La hache. Bref, l'objet petit à petit. L'objet de Pitak est un objet, certes. Seulement en ce sens qu'il se substitue définitivement à toute notion de l'objet comme supporté par le sujet. Ça n'est pas le rapport de la colère. C'est curieux, quand on étudie en détail, de voir ce rapport de la connaissance. On avait fini par faire, là, le terme, le sujet en question, c'est plus l'ombre du nom, un reflet parfaitement épanoui. L'objet vital est un objet en ce sens qu'il est là pour affirmer que rien de l'ordre du savoir n'est sans le produit. C'est tout à fait autre chose que je le connais. Que le discours psychanalytique ne puisse s'articuler qu'à montrer que cet objet petit a pour qu'il y ait chance d'analyse, il faut une certaine opération qu'on appelle l'expérience psychanalytique. Elle fait venir l'objet du tapis à la place du semble. Bien entendu, il ne pourrait absolument pas occuper cette place si les autres éléments réductibles dans une chaîne signifiante n'occupait pas les autres. Si le sujet, ce que j'appelle signifiant maître, est ce que je désigne du corps du savoir, n'était pas réparti aux quatre points à être. Et ce que pour votre repos, je vous ai dessiné au tableau sous la forme de tout ce qui se croise comme ça, à l'intérieur d'un carré qui manque un côté. Il est évident qu'il n'y aurait absolument pas de discours. Mais ce qui définit un discours, qui l'oppose à la parole, je dis, parce que c'est ça qui est ma tête. Je sais ce que détermine pour l'approche par l'homme, que détermine le rêve, le réel dont il parle, est absolument inapprochable. Donc, par une voix, ma terre a c'est à savoir retenez. Pour cela, il n'y a pas d'autre voie. Que ce discours dernier venu des sacres, celui que je définis comme le discours analytique, ferme. D'une façon dont il serait excessif de dire qu'elle est consistante. Tout au contraire, d'une théâtre, c'est proprement celle qui s'exprime. La thématique de la castration. D'où s'assure le réel dont tient tout ce discours. Et ceci conformément à tout ce qui est reçu, mais comme si j'étais par des sous reçus dans l'analyse, je dois voir que rien n'est assuré. Ce qui semble la fin, la finalité de la puissance sexuelle, c'est-à-dire la copulation, sans ces tables. Très confusément aperçu, mais jamais dégagé dans une structure comparable à celle d'une logique et qui s'appelle la castration. Très précisément en cela que le corps logicien doit nous être un modèle, voire un guide. Et ne faites pas parler d'isomorphisme. Il y a quelque part, ça, un brave petit coquet d'université, qui pense que les énoncés, la vérité semblant, la jouissance et le plus de jouir, seraient formalistes, voire hermétiques. Pourquoi pas? Il s'agit de ce qu'on appelle en mathématiques plutôt une chose curieuse, c'est une rencontre, une opération générateur. Je sers en cette année et ailleurs qu'ici d'approcher pour ça évidemment de loin et pas à pas. Parce qu'il ne faut pas trop attendre cette occasion. Parce qu'il pourrait se produire des étincelles. Mais ça viendra. Le pied de Tita dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas un pied. C'est ce qui permet de tétraédrer. Les quatre. Chacun de ses discours à sa façon, c'est bien entendu, pas voir. Je ne peux pas voir qui. Furieuse, les annonces. L'objectif, ça, c'est pas là. un point localiste quelque part, parmi les trois, quatre autres, qui portent ensemble. C'est la construction, c'est le baptême tétraédrique de ces discours. La question est donc céleste. Tous les êtres achoisis n'est-il pas incarné? Nous sommes tous à des titres divers. Sont-ils le plus en droit à l'incompréhension du monde? La question peut être posée. Que ce soit un symptôme ou qu'elle ne soit pas. Mais ce qui est très certain, c'est que théoriquement, c'est au niveau du psychanalyste que doit dominer l'incompréhension de mon discours. Et justement parce que c'est le discours à l'intérieur, peut-être que je ne suis pas pris bien. Après tout, même ceux qui ont fait, et qui ont fait le pas, celui qui a fait, qui a poussé le plus loin, qui a évidemment loupé, je ne sais pas, plus tard, mais qui a poussé le plus loin, et l'histoire du maître, avant jamais, plus tard au monde, les gueules, pour le nommer, il nous a toujours dit que s'il y avait quelqu'un qui ne comprenait rien au discours du maître, c'était le maître. Pas bien sûr, maître, parce qu'il n'y a pas de maître, il y a la signe qui en est. Le maître, que l'être-ci comme utopie, ça ne traverse pas du tout la compréhension du discours du maître chez le maître. C'est dans le sens que la psychologie de Hegel est exacte. Je serais également sûr, mais je vais essayer de soutenir que l'hystérique, au point où je pourrais le placer, c'est-à-dire le semblant, c'est là que je sois le mieux pour comprendre ce discours. Je n'aurais pas besoin du mirage de l'analyse sans ça. Ne parlez pas de ce texte. J'ai cru qu'il avait le front de soutenir un alibi qui est prodigieusement manifeste qui est le discours. Alors pourquoi les analystes auraient-ils le privilège d'être accessibles à ce qui de leur discours et de leur patte.